émission de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle, proposée par Radio Zinzine. Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de Racines de Moisins. C'était les 4, 5 et 6 octobre 2013, s'est tenue à Montreuil, près de Paris, une rencontre intitulée Écran Total, rencontre pour libérer nos métiers de l'informatique et de la gestion. Rencontre qui a rassemblé environ une cinquantaine de personnes venues de toute la France et d'horizons assez différents. Mais pour commencer, la question se pose, pourquoi s'opposer à l'informatique et à la gestion ? Pour y répondre, je vais simplement vous lire un extrait du texte qui annonçait cette rencontre. La liste est longue de celles et ceux qui récusent l'influence de l'informatique sur leurs pratiques socio-professionnelles. Un groupe d'éleveurs par-ci, une poignée de soignants par-là, un enseignement ici. Les refus de pucer les bêtes, de participer à l'enregistrement informatique de l'intimité des personnes ou de donner une forme numérique à un livre peuvent apparaître éloignés les unes des autres. Il renvoie pourtant à une même logique de déploiement de l'informatique, à des fins gestionnaires qui touchent de nombreux métiers. Cette logique réduit les marges de manœuvre, sape les poches de dignité que beaucoup d'hommes et de femmes tentent de préserver au quotidien, en ville comme à la campagne. Elle contraint à nous auto-évaluer, à prouver notre utilité et à normaliser nos savoir-faire et nos relations aux personnes comme aux bêtes que nous écoutons, soignons et rencontrons. Il est difficile d'aller à contre-courant de l'informatisation quand elle est sans cesse présentée comme une source de progrès, d'efficacité, de rapidité et d'équité. Et pourtant, nous la soumettons à la critique parce qu'elle transforme nos métiers et les relations que nous y tissons. Ces métiers que nous avons choisi d'exercer parce que nous y trouvons du sens. Nous préférons ouvrir en commun la question du comment faire sans et d'imaginer un retour à l'éthique, à la protection de l'intime et de notre dignité. Asseyons-nous autour d'une même table pour parler de nos pratiques et de nos savoir-faire, de nos recettes et de nos espérances, regroupons nos livres, nos bêtes, nos patients, nos familles autour du foyer. À terme, une question en forme de désir, comment pouvons-nous nous unir pour refuser les incessantes compromissions que l'on nous demande de faire avec l'informatique ? Voilà, donc cette rencontre a rassemblé des personnes exerçant différents métiers. Ce week-end a surtout été l'occasion d'une rencontre entre ces différentes personnes et d'abord d'entendre les éleveurs opposés au puçage électronique de leurs animaux et aux différentes formes de contrôle de leurs activités par l'administration de l'Union européenne qui leur accorde les subventions sur lesquelles ils ne pourraient pas vivre de leur métier. Comme ce thème est déjà amplement traité sur les ondes de Radio Zinzine, je n'y reviendrai pas pour le moment. Ensuite, nous avons entendu des assistantes sociales opposées au fichage des familles et au recueil déchaîné des statistiques sur les personnes qu'elles reçoivent. Leur témoignage fera l'objet d'une seconde émission de Racines de Moisins dans quelques temps. Ensuite, nous avons entendu des enseignants opposés au numérique à l'école, c'est-à-dire non seulement le fichage des élèves avec le fichier base élève, mais aussi au numérique dans les pratiques d'enseignement, c'est-à-dire l'ordinateur, le tableau interactif, la tablette tactile, etc. Ou aussi dans la gestion administrative, cahier de texte numérique, correction des copies en ligne, etc. Tout à l'heure, nous écouterons un entretien avec un enseignant qui nous racontera sa rentrée numérique. Et enfin, nous avons entendu ceux qui sont en grande partie les instigateurs de cette rencontre, Écran Total, rencontre pour libérer nos métiers de l'informatique et de la gestion, à savoir des personnes travaillant dans les différents secteurs des métiers du livre, qui se sont réunis pour écrire l'appel des 451. Appel qui dénonce, entre autres, la concentration des capitaux et la déferlante technologique que subissent le livre et ses métiers. Et donc derrière le bluff technologique du livre numérique se cache surtout la réduction des langages et des expressions libres. Le collectif des 451 se bat pour que le livre et ses métiers demeurent un lien, une rencontre, un objet social, politique et poétique entouré d'humains. Donc je vous propose d'écouter l'interview avec deux membres du collectif des 451, Claire et Natacha. Petite présentation de l'appel des 451, groupe d'action et de réflexion autour des métiers du livre. Donc qu'est-ce qui vous a amené à écrire et à diffuser cet appel? C'est parti d'une rencontre entre différentes professions. pas mal de libraires, un graphiste, je sais plus, un bibliothécaire, enfin. Éditeur, ouais. Des gens qui se connaissaient un peu par affinité, qui se posaient des questions sur leur. Sur leur manière de travailler, sur l'évolution dans leur métier, beaucoup pour certains, enfin moins pour d'autres. L'idée c'était de mettre en commun les différentes pratiques et de découvrir quelles étaient les problématiques de la personne à côté. Donc, différents acteurs dans la chaîne du livre. Hier vous disiez qu'il n'y avait pas forcément de compréhension de ce qui se passait entre les différentes personnes impliquées dans cette chaîne. Souvent quand on avait soit dans son métier, on avait un souci, on rencontrait des contraintes et on se rendait compte que souvent on disait c'est la faute. Enfin, c'est parce que ça m'est imposé par l'éditeur ou ça m'est imposé par ceci. Enfin, à chaque fois on se renvoyait un peu la faute. Et du coup, chacun, quand on s'est rencontrés, on était d'endroits différents et on réalisait que celui à qui on attribuait la responsabilité du problème, en fait, lui aussi était confronté à un problème et que c'était juste une réponse à une autre contrainte que lui-même subissait. Mmh. Et du coup, on a réalisé à quel point on ne savait pas quelle était la réalité, le quotidien et la réalité avec et les contraintes et les attentes de chacun aux différents endroits de la chaîne. Et que souvent, quand on parlait du livre, en gros, on parle éditeur-libraire. Très souvent, c'est ce qui vient le plus spontanément. Mais on oublie les livreurs, les manutentionnaires. On oublie aussi les auteurs, qui sont rarement intégrés dans les réflexions sur le métier du livre. Les imprimeurs, les fabricants de papier. Alors que finalement, quand on s'est mis à discuter, on a tous vu que les attaques venaient du même endroit et que les dysfonctionnements, ils étaient souvent, ils provenaient des mêmes phénomènes qui se développaient. Qui peuvent être soit des vieux phénomènes, c'est-à-dire que la chaîne du livre, elle date pas d'aujourd'hui et de comment elle s'est constituée, il y a eu plein de choses qui fonctionnent pas bien du tout et qui ont imposé des conditions de travail intenables. Mais aussi qu'il y a de nouvelles difficultés auxquelles on est contraint. Des difficultés qui sont liées à l'informatisation des métiers aussi, ou pas seulement ? Alors, c'est tout. Si on avait un souci, on dirait que c'est celui-ci. Mais qui est aussi, à l'intérieur même des 451, c'est un sujet de discussion. Parce que c'est pas un collectif figé. On a proposé l'appel. Mais et on a vraiment appelé ça appel parce que c'est appel à discussion et à réflexion. C'est pas une chose qu'on pose et on dit c'est comme ci ou c'est comme ça, il se passe ceci ou cela. C'est venons donc discuter de comment ça se passe et de ce qu'on pourrait mettre en place de différent. Donc pour répondre à l'informatisation, bien sûr, on est évidemment comme tout le reste de la société, on est confronté à ça, mais ça vient souvent renforcer et repréciser des contraintes qui existaient précédemment, ça vient cristalliser et crisper plus que jamais. Donc il y a une grande violence plus forte, et parfois des nouveaux phénomènes, mais globalement c'est quand même des choses qui existaient avant. Et pour ce qui est des 451, le souci c'est que souvent on le réduit, et c'est un mouvement qu'on a nous aussi, à la seule problématique soit de la vente en ligne, soit de la numérisation. Alors que c'est un des éléments, mais c'est pas le seul, et c'est compliqué dans les discussions sur les métiers du livre, de ne pas bifurquer et de s'engouffrer dans la seule sphère du numérique, en fait, de la critique du numérique. Même si ça constitue un point important de cette critique. Bien sûr. Ouais. Voilà. Et Claire a aussi signalé hier, dans les discussions, ce qui est compliqué, c'est qu'on est parfois amené à se mettre à défendre nos corps de métier, et c'est aussi un reproche qui a été fait de corporatisme, alors que justement c'est l'appel des 451 et c'est sur la chaîne du livre pour dire il s'agit pas juste du seul métier de l'éditeur ou du libraire, ou mettons qu'on l'élargisse un peu, il s'agit pas de défendre une corporation, mais en fait ça s'adresse, finalement on n'avait pas réussi vraiment à le formuler, ça s'adresse au lecteur, en fait ça concerne d'abord un lecteur et après des corps de métier, mais Mais nous, on ne cherche pas à défendre absolument une profession, en fait. C'est au contraire de réfléchir à comment on peut la faire évoluer, comment elle peut bouger. Bah, disons que dans la critique d'Amazon, par exemple, c'est pas... le but, c'est pas de défendre les librairies. Ce qui nous a été un peu reproché ce week-end, c'est vraiment juste de conscientiser la personne qui clique et qui, voilà, qui achète un livre ou une poupée gonflable sur Amazon. Quoi. Voilà. D'ailleurs, la plupart des gens ne savaient même pas qu'Amazon ne vendait pas que des livres. Là, c'est vrai que notre prochaine bataille, ça va être un peu là-dessus, et c'est pas seulement dans le but de défendre la librairie indépendante, quoi. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'Amazon, c'est une cible manifeste, qui est à la fois archi connue par tout le monde, c'est-à-dire c'est vraiment, si vous dites Amazon, globalement, tout le monde se dit, ah bah oui, ceux qui vendent des livres, enfin, là où on va acheter des livres. Mais finalement, on essaie de faire ce travail-là aussi d'information. Derrière le terme d'Amazon, qui est toujours un terme... c'est pas que j'aime pas le terme d'invisibilité, mais on a l'impression que c'est juste une appellation, enfin un truc. Ouais. Alors qu'en fait, il y a des réalités très très très concrètes qui se cachent bien, évidemment, de mettre en avant. Et l'idée, c'est juste de donner cette information-là de ce qu'il y a aussi, ce que ça représente. Voilà, est-ce que ça provoque comme phénomène et à quoi ça touche. Et voilà, la librairie indépendante, c'est pas une chose en soi, une valeur absolue, loin de là. Mais par contre, elle existe, et peut-être ce qu'on voudrait, c'est travailler à ça, et comment on peut améliorer ça, et non pas céder le terrain à Amazon, comme si Amazon allait apporter la solution à ce qui ne fonctionnerait pas dans la librairie indépendante, par exemple. De toute façon, nos discussions, souvent, elles finissent par... par ça, qui est cette réflexion-là sur quel lieu pour le livre. Et aussi de qu'est-ce qu'un livre, quoi, et ce que ça représente pour chacun. Finalement, la discussion sur la chaîne des métiers du livre, à chaque fois, elle aboutit là. Alors, elle aboutit et puis c'est compliqué. Enfin, et c'est là aussi où, voilà, il n'y a aucun consensus là-dessus, il n'y a rien de figé parce que c'est chacun. Mais comment on peut se mettre d'accord sur, finalement, quand on dit... je suis attachée à ce qu'il y ait une diffusion vaste, libre, riche, nourrie du livre. Finalement, concrètement, qu'est-ce qu'on tient à défendre? Un lieu? Quel lieu? Et surtout, comment le faire bouger pour qu'il soit au mieux et non pas seulement se focaliser sur on est contre Amazon. L'appel des 451, il ne s'est pas créé contre Amazon. Par contre, ça nous a permis individuellement, je ne sais pas clair, mais moi je sais au sein même dans mon quotidien, de pouvoir. Ça m'a permis d'élaborer une argumentation quand j'étais confrontée à des clients qui pouvaient être parfois même pas violents, mais en tout cas assez agressifs, de pouvoir développer une argumentation et dire ben voilà. Je ne défends pas mon tiroir caisse, je défends une idée du livre, parce que derrière Amazon, il y a ceci, il y a cela, il y a cela. Ouais. Et du coup, ça me donne une autre conscience de mon métier aussi, et du lien avec les gens. C'est quoi ton métier, justement? Oui, libraire. Libraire, ouais. Dans les discussions qu'on a eues ces derniers jours, là, il y avait aussi, on a beaucoup parlé d'Amazon, mais aussi des éditeurs, des gros éditeurs aussi qui submergent le marché de nombreux livres à flux tendu avec les libraires et où une bonne partie des tirages sont souvent mis au pilon en fait. Il y a une marchandisation du livre qui est en amont du distributeur. Je pense que l'histoire de la surproduction, elle est assez compliquée de toute façon. Parce que certains disent, ben voilà, s'il y a plus de livres, ça veut dire qu'il y a plus de gens qui publient, du coup. Et parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se plaignent en disant, ben voilà, il y a trop de censure, il n'y a pas moyen d'éditer un livre. S'il y a surproduction, ça veut dire qu'il y a plus de livres édités, donc plus de gens qui publient leur ouvrage. Mais en fait, je pense que derrière cette histoire de surproduction, c'est un endroit qui n'est pas du tout connu dans la chaîne du livre, c'est ce qui s'appelle le diffuseur-distributeur. En l'occurrence, le distributeur. Donc c'est lui qui s'occupe de la logistique. L'éditeur, il va éditer, enfin, il va former le livre, le rendre, le faire exister, puis il va l'entreposer chez un distributeur. Et ensuite, le distributeur va charger de le renvoyer à la librairie. Et en librairie, il y a un moyen où on peut, dans certaines conditions, renvoyer le livre, et en fait, on n'est pas remboursé, il fonctionne avec un système d'avoir, qui est du coup une forme d'endettement aussi, enfin, c'est un système pas très très très clean. Et le distributeur, lui, l'argent qui se fait, c'est sur... le stock de livres, c'est-à-dire il fait payer à l'éditeur l'emplacement sur lequel sont stockés ces bouquins et il se paye sur les flux. C'est-à-dire s'il a 10 livres à envoyer à un libraire, et qu'il en récupère 8, cet aller-retour, eh ben, le distributeur il se fait de l'argent là-dessus. Ouais. Donc lui, il a tout intérêt à la surproduction. Il y a ça déjà qui est énorme. Lui, il a intérêt à ce qu'il y ait un énorme flux. Donc s'il y a 600 nouveautés, pour lui, c'est l'idéal. Parce que comme ça, non seulement il y en a plein qui vont en librairie, donc ça lui fait ce trajet-là sur lequel il se fait de l'argent. Et quand nous, on les renvoie, on paye le transport du retour aussi. Et donc lui, il se fait de l'argent là-dessus. Donc lui, il est archi gagnant. Et après, l'autre mouvement, c'est les éditeurs, eux, ils ont tout intérêt à avoir plein de livres parce qu'ils se figurent. Après, c'est peut-être de l'ordre du fantasme, que plus ils en ont, plus ils sont présents sur les tables. Oui. Et l'idée, c'est aussi de retravailler ça et de voir ce qu'on peut mettre en place, refuser. Est-ce qu'il ne faut pas supprimer ce système-là de l'office, ce qu'on appelle l'office, c'est-à-dire on se met d'accord au préalable pour recevoir telle nouveauté. Oui. Et peut-être que le système de la nouveauté, avec ce fonctionnement-là, peut-être il faudrait le supprimer. C'est des questions. On a créé donc des réunions publiques une fois par mois, le premier de chaque lundi de chaque mois, dans un café qui s'appelle le Zabar, dans le 20e. Et on a adoré que, et c'est déjà le cas de la première qui a eu lieu en septembre, que des gens qui ne soient pas des libraires puissent intervenir et aborder la réflexion sur le métier du livre d'un autre point de vue que de la pure librairie. C'est un appel, en fait. Au lecteur et à tout un tas de gens. Parce que finalement, qu'est-ce que serait, quel lieu pour le livre? Ça concerne évidemment un libraire, mais ça concerne un lecteur, puisque c'est là où lui il va y avoir accès. Donc, voilà. Donc c'était Claire et Natacha, deux membres du collectif des 451. Et pour expliquer un petit peu aussi l'origine de cette rencontre qui s'intitule Écran Total, rencontre pour libérer nos métiers de l'informatique et de la gestion, eh bien je vais vous lire aussi un petit extrait de l'appel des 451. Nous ne pouvons nous résoudre à réduire le livre et son contenu à un flux d'informations numériques et cliquables ad nauseam. Ce que nous produisons, partageons et vendons est avant tout un objet social, politique et poétique. Même dans son aspect le plus humble, de divertissement ou de plaisir, nous tenons à ce qu'il reste entouré d'humains. Nous rejetons clairement le modèle de société que l'on nous propose quelque part entre l'écran et la grande surface, avec ses bip-bip, ses néons et ses écouteurs grésillants, et qui tentent à conquérir toutes les professions. Car en pensant à l'actualité des métiers du livre, nous pensons également à tous ceux qui vivent des situations trop similaires pour être anecdotiques. Les médecins segmentent leurs actes pour mieux les comptabiliser, les travailleurs sociaux s'épuisent à remplir des grilles d'évaluation, les charpentiers ne peuvent plus planter un clou qui ne soit ordonné par ordinateur. Les bergers sont sommés d'équiper leurs brebis de puces électroniques, les mécaniciens obéissent à leurs valises informatiques, et le cartable électronique dans les collèges, c'est pour tout à l'heure. La liste est si longue que nous devons nous regrouper et ainsi enrayer cette machine du progrès aveugle. Plutôt que d'attendre la prochaine mesure européenne de rigueur ou la énième attaque du ministère de la Culture contre la chaîne des métiers du livre, nous préférons nous organiser dès maintenant. Par exemple, en trouvant des alternatives, en créant des coopératives et des mutuelles d'achat, en nous unissant pour de meilleures conditions salariales, ou bien encore en inventant des lieux et des pratiques qui conviennent davantage à notre vision du monde et à la société dans laquelle nous désirons vivre. C'est parce que nous prenons la mesure du désastre en cours que nous sommes optimistes. Tout est à construire. Avant tout, nous voulons cesser de nous rejeter éternellement la faute les uns sur les autres et couper court à la résignation et au défaitisme ambiant. Nous lançons donc un appel à toutes et toutes celles et ceux qui se sentent concernés à se rencontrer en vue d'échanger sur nos difficultés et nos besoins, nos envies et nos projets. Et donc pour lire l'intégralité de l'appel des 451, vous pouvez en trouver un exemplaire dans la brochure « La querelle des modernes et des modernes », réponse aux critiques et développement de l'argumentaire de l'appel des 451. C'est une brochure de 40 pages qui est disponible auprès de Radio Zinzine à prix libre ou bien sur internet, sur le blog des 451, les 451 en chiffres, noblogs.org, ou sinon à l'adresse postale les 451, 30 avenue Mathurin Moreau, 75 019 à Paris. Vous pouvez lire également les deux ouvrages de Dominique Mazuet, M-A-Z-U-E-T, Donc le premier, qui est paru aux éditions Delga en 2012, c'est Correspondance avec la classe dirigeante sur la destruction du livre et de ses métiers. Et le second, paru toujours aux éditions Delga, mais cette fois-ci cette année en 2013, Critique de la raison numérique. Une petite pause musicale. Vous écoutez Radio Zinzine, c'est l'émission Racine de Moisin, une émission critique sur les sciences des technologies et de la société industrielle. Et aujourd'hui, la rencontre Écran Total, une rencontre pour libérer nos métiers de l'informatique et de la gestion qui s'est tenue à Montreuil, près loin de Paris, au début du mois d'octobre 2013. Et donc la suite, la rentrée numérique. Voilà, en février 2010, le rapport Réussir l'école numérique de la mission parlementaire confiée à Jean-Michel Fourgou par François Fillon était rendu public. Dès les premières pages, on pouvait lire ceci. Un constat, la révolution numérique a déjà commencé. La question n'est plus de savoir si elle est pertinente ou pas, la question est plutôt de savoir comment rattraper notre retard et jouer un rôle indéniable dans la compétition mondiale. Et en octobre 2012, traduit dans le langage socialiste par François Hollande, ça donne « L'école du futur, ça commence par les nouvelles technologies. Donc, nous devons, vous devez vous adapter de façon vos façons de faire et utiliser ces technologies comme un levier de changement, d'ouverture. Je demande au gouvernement de prendre rapidement les initiatives pour donner à ce que l'on appelle l'éducation la dimension qui doit être la sienne. Le gouvernement donnera tous les moyens pour déployer ses ressources et réussir à relever ce beau défi du numérique. Nous ne manquons pas le rendez-vous. Et nous devons inscrire la devise de la République présente sur les frontons de toutes nos écoles dans les territoires numériques éducatifs du XXIe siècle. Tout le monde, est à droite comme à gauche, est tout à fait d'accord pour développer l'enseignement numérique. Mais pourtant, des professeurs du secondaire remettent en cause la place grandissante du numérique dans les établissements scolaires, que ce soit dans les pratiques d'enseignement, ordinateurs, tableaux interactifs, tablettes tactiles, ou dans la gestion administrative, cahiers de textes numériques, fichiers à données multiples, mises en ligne, etc. Ils y voient l'aboutissement de la transformation de l'école en un lieu où les élèves sont mis en conformité avec les exigences de l'économie. Travail et divertissement assistés par ordinateur. Tout de suite, nous allons écouter l'interview de Jean-Philippe, qui est enseignant du côté d'Alès et qui va nous raconter sa rentrée numérique. Jean-Philippe, tu es enseignant dans les lycées, collèges. Oui. Donc la rentrée numérique, comment ça s'est passé? La rentrée numérique, dans l'académie dans laquelle je suis, c'est une rentrée qui est poussée comme au niveau national partout sur la promotion des technologies de l'information, de la communication tournée vers l'enseignement, ce qu'on appelle les TIS. Et donc c'est une rentrée particulièrement dans laquelle on essaye de promouvoir tout ce qui va être enseignement à distance, tout ce qui va être support informatique, plateforme, environnement numérique de travail. Et voilà, on arrive au bout de 2 ou 3 ans de dispositif dans lequel on a donné aux élèves de seconde un ordinateur à chacun. Et au niveau régional et au niveau académique, ça se développe. Et au fur et à mesure, ça s'étend dans les autres régions. Mais comme c'est des initiatives d'équipement et que l'équipement, ça dépend des régions, tout ce qui est dotation d'équipement et plateforme logicielle, plateforme réseau, etc., c'est la région qui s'en occupe et qui passe des appels d'offres à ce niveau-là. Donc là, c'est donc les régions qui poussent au don d'ordinateurs à des élèves. Alors certaines, c'est en sixième, certaines, c'est en seconde. Et c'est avec ça qu'on se retrouve et qu'on a à faire tous les jours, sachant qu'on a des élèves qui sont nés avec des téléphones et des ordinateurs. On a des élèves qui ont appris à taper leur nom avant de l'écrire, donc ils savent taper leur nom avant d'avoir un rapport à l'écriture et au livre. Et on mesure au fur et à mesure ce que ça donne dans nos classes qui sont des endroits dans lesquels le professeur lui-même est suréquipé et surdoté de technologie, et où en face il a des élèves qui sont aussi équipés et dotés de technologie, puisqu'ils ont un ordinateur mais dans la poche 1, voire 2, voire 3 téléphones portables. Plus peut-être un MP3 ou une PSP, enfin tout ce qui peut être écran en plus. Leur temps scolaire est beaucoup lié à ça, les guerres liées à la vie scolaire sont beaucoup liées à ça, téléphoner, ne pas téléphoner dans les couloirs, écouter de la musique, ne pas écouter de la musique dans les couloirs, téléphoner, ne pas téléphoner en cours. Et les comportements à la maison sont aussi énormément liés à ça. Alors on a des parents d'élèves par exemple qui viennent dire c'est la catastrophe, mon fils est 6 heures par jour sur Facebook. Ma fille, c'est la catastrophe, mon fils joue 4 heures par jour en réseau à Call of Duty ou à GTA 4. Voilà. Et du coup ça induit des perturbations dans l'attention des élèves vis-à-vis du cours ou un ensemble de choses dans cet ordre-là. Les élèves ont une grosse difficulté à se concentrer. Ils ont une demande et un besoin en permanence d'être divertis, sinon ils n'écoutent pas. D'être sollicités, stimulés et divertis, sinon ils n'écoutent pas. Et quand ils écoutent, pour beaucoup, ils ont une incapacité à retenir et mémoriser. Les études montrent que cette génération a une capacité importante à savoir où on trouve les informations, mais elle ne les enregistre pas. Ça sert à rien de savoir où est tel pays et quelle en est la capitale, puisque tu tapes son nom sur Wikipédia et tu l'as. Ouais. Et comme Wikipédia, tu l'as dans l'ordinateur ou tu l'as dans le téléphone, tu n'as pas besoin de savoir. Le savoir, tu le promènes. Quoi. C'est des élèves qui ont Alexandrie dans la poche. Quoi. C'est vraiment... c'est ça. Et il y a une confiance complète dans la fiabilité de Wikipédia et de ça pose aucun problème à personne que Wikipédia soit une telle référence. Et donc c'est des élèves qui induisent ça et des comportements d'enseignants beaucoup et de parents. Et je crois que c'est un peu, enfin je sais pas si ça a toujours été comme ça, je pense pas, mais qui veulent en permanence montrer qu'ils sont à la page. Et donc ils vont de plus en plus structurer leurs cours et leur rapport à leurs enfants ou à leurs élèves en disant vous voyez je connais. Donc ils vont faire référence à Lady Gaga, faire référence à Apple, faire référence à iTunes, ça va être ça. Au lieu d'être les gardiens de la culture du classicisme, de l'ouverture à un vieux monde et à ce sur quoi on est debout, ils montrent comment ils sont adaptables à ce vers quoi on irait, quoi, en permanence. Et c'est à ces conditions-là qu'ils vont avoir l'attention d'enfants qui, eux, sont constamment sollicités par ceux qui buzzent. Quel est le dernier truc qui buzz ? Et si le prof veut attirer l'attention de l'élève, il va parler du dernier truc qui buzz aussi. C'est un peu pathétique. Ouais, cette évolution vers le futur, en quelque sorte programmée, c'est aussi la volonté un petit peu de ceux qui font la promotion du numérique, notamment l'État, les pouvoirs publics, le ministère de l'Enseignement, etc. Les entreprises qui vont avec, vers une génération qui est très pratique. C'est une génération, quand on regarde ce qu'on appelle la génération Y au travail ou les digital natives, ceux qui sont nés avec des appareils numériques, on s'aperçoit que ça pose des problèmes de travail parce que, alors qu'ils sont avec des clients ou alors qu'ils sont sur un processus de production ou dans un atelier, dans un garage, ils vont consulter en permanence leur profil Facebook pour l'actualiser ou leur fil, ou répondre en permanence à leur téléphone parce que c'est ce temps qui les structure. Et en même temps, ils vont ne pas revendiquer sinon pour des revendications individuelles, ne pas rechigner à rester pour manger ou rester pour plus tard au bureau parce qu'ils sont dans leur ordinateur et que, que de toute façon, s'ils rentrent chez eux, ils sont aussi dans leur ordinateur. Il y a tout un truc comme ça. Je ne veux pas non plus rentrer dans un trop gros cliché avec cette génération parce qu'il y a aussi des personnes qui s'enrichissent énormément de ça. C'est-à-dire que, quand je disais tout à l'heure, ils ont Babylone dans la poche, il y a aussi des gens qui en font quelque chose. Mais force est de constater que, un, c'est pas la majorité, et deux, cette technologie et l'environnement qui va avec les plateformes, est quand même le lieu de la stimulation, de la pulsion et du visuel, de la guerre, de... Voilà. Écrivait que c'est la génération qui était la plus militarisée depuis la jeunesse hitlérienne. C'est aussi, par exemple, une génération qui ne fait pas son service national et qui joue à la guerre depuis qu'ils ont 6-7 ans avec des jeux de massacre, vraiment. Oui, je voulais reparler aussi de ce que ça induit aussi dans le, vis-à-vis des professeurs. Ces derniers jours là, tu nous as montré un petit peu les comportements que ça devait induire aussi chez les professeurs, le côté il y a aussi visiblement pas mal de problèmes techniques aussi autour de ce genre de nouvelles technologies. Oui, quand tu imagines qu'un professeur aujourd'hui dans une classe, quand il n'a pas une classe où tous les élèves sont devant un ordinateur, ou qu'il n'a pas une classe dans laquelle tous les élèves sont devant leur propre ordinateur portable que leur a donné la région, puisque c'est vers ça qu'on va au fur et à mesure, il a une classe dans laquelle chaque élève a un téléphone ou quelque chose dans la poche qui va l'attirer vers ça. Ouais. Donc ces élèves maîtrisent bien la capacité que cet outil donne à fuir la maison et les parents pour aller sur l'internet, YouTube, etc. Fuir la classe pour aller regarder, jouer. Donc quand c'est pas le cas parce qu'ils ont ça dans les téléphones, le professeur se retrouve lui-même de son côté à avoir toute une batterie d'outils technologiques, donc un ordinateur en réseau, un vidéoprojecteur, des énormes baffles, cet ordinateur, il va commencer son cours en le connectant parce que cet ordinateur, c'est ce sur lequel il va faire l'appel. Il n'y a plus personne qui monte dans les couloirs. Et donc, il n'y a plus de présence dans les établissements pour venir chercher les feuilles d'appel. Les surveillants sont affectés à des tâches administratives où, en bas, ils vont appliquer le protocole qui va avec la saisie informatique des absences par les enseignants. Donc, les enseignants se connectent à l'ordinateur, puis se connectent à un logiciel comme Pronote avec lequel ils vont saisir les absences. Et... ils vont saisir ces absences-là. Alors, avec ce que ça comporte, c'est-à-dire, je saisis une absence, mais c'est quoi ? C'est une absence ? C'est un retard ? Donc les parents, eux, vont tout de suite recevoir un SMS leur disant que leur fils est absent. Il est peut-être simplement en retard, et le père est peut-être juste en train de l'amener en retard. Donc il y a toute une série de choses en trop. Et quand le professeur qui l'aura mis en retard, en absence, apercevra qu'il était en retard, il faudra qu'il se reconnecte pour revérifier et pour valider que l'élève était simplement absent. Et il n'a pas que ça à faire, en fait. C'est ça qui est important, c'est qu'un prof, il a déjà son cours, sa structure de cours à mettre en place, son partage à faire. Il n'y a pas en plus... Enfin, moi, je n'ai pas commencé avec l'idée que j'aurais à me battre contre les téléphones portables dans la poche et les gamins qui ont en permanence... qui regardent en permanence leurs genoux ou, comme je disais hier, qui massent leurs trousses parce que voilà, leur téléphone est dans leurs trousses. Donc, discrètement, ils font semblant de toucher leur stylo. En réalité, ils envoient des messages. Donc, nous, on a des élèves qui massent leurs trousses ou qui regardent leurs genoux simplement parce qu'ils sont en train de regarder leur téléphone portable. Et il y a une tension en permanente à essayer de fuir comme ça. Moi, mon cours, j'ai pas cette guerre à faire. Ce qui consiste à faire passer l'intérêt de ma matière et l'idée que le savoir, ça rend libre et que voilà, ce goût pour l'étude, c'est déjà suffisamment un taf. Quoi. J'ai pas en plus à faire ça. Et l'autre chose qui m'ennuie dans cette situation, c'est que si je prépare un cours et que ce cours inclut un rapport à l'internet, au réseau, etc., eh ben je suis soumis à cet Internet et à ce réseau. Ça veut dire que si l'Internet plante pour une raison ou pour une autre, liée au lycée ou liée à toute connexion, et ben tout mon cours il est planté. Donc ça veut dire qu'en permanence, il faut que j'ai un plan B pour si jamais je ne pourrais pas me connecter, si jamais je ne pourrais pas avoir accès au réseau, si jamais je... Donc on met des profs en permanence en sollicitation d'une technologie, en les culpabilisant et en les faisant passer pour obsolètes, c'est vraiment en les faisant passer pour des nazes s'ils n'y vont pas, parce qu'on est rentré dans l'ère numérique, et si vous n'êtes pas dans l'ère numérique, vous êtes dans l'ère préhistorique, et on ne dit pas qu'avec cette technologie va l'accident, comme avec toute technologie, quoi. Et là pour nous c'est la panne, c'est le truc qui ne fonctionne pas, et à ce moment-là il faut être systématiquement capable de revenir à un autre support, à un autre outil, on l'a pas toujours, quoi. Moi, ce que je constate aussi, c'est que chaque fois qu'on nous forme et chaque fois qu'on nous dit, qu'on nous fait cette grande déclaration, on est rentré dans l'ère numérique, à chaque fois, l'écran de vidéoprojecteur qui est derrière les gens qui parlent clignote en disant pas de signal, pas de réseau, pas de... Voilà, et ça devrait, au bout de 10 fois, on devrait pouvoir dire, voilà, c'est quand même sacrément fragile, imaginez si vous étiez devant une classe, que ça donnerait, quoi. Voilà. Et puis, il y avait cette anecdote aussi qui s'est passée l'année dernière, c'est que dans l'académie dans laquelle je suis... Il y a eu une panne de réseau. Non, c'est pas qu'il y a eu une panne de réseau, c'est qu'on a ce système d'avoir des... Il y a des listes, il y a des sites internet qui sont blacklistés. Donc on interdit certains accès à des sites internet, des sites pornographiques, des sites violents, mais aussi l'accès à Facebook pour pas que les enfants... Ou l'accès à des sites de jeux, etc. Et pendant une demi-journée, il y a une erreur de manipulation qui a fait que les sites interdits ont été autorisés et qu'il n'y a qu'eux qui ont été autorisés. Donc ça veut dire que tout professeur qui faisait une recherche se retrouvait avec l'apparition d'images monstrueuses, quoi, d'images de pornographie, d'images de voilà, ou d'images Facebook au mieux. Et donc on a, moi j'ai eu des témoignages de professeurs qui se sont retrouvés avec une grosse image pornographique en pleine salle de classe projetée à des élèves qui, alors ça pouvait être à des élèves de 6e, ça a été à des élèves de terminale, voilà. Et les élèves sont venus dire dans un collège, par exemple, qu'est-ce qui se passe, on a accès au porno, ils sont en sixième, quoi. Ils sont en sixième. Ou alors, en terminale, la prof se retrouve avec une scène de porno projetée sur un écran vidéo gigantesque. Parce que les profs sont arrivés à ça, c'est-à-dire que les recherches qu'ils font sur Google, etc., ils les font devant la classe. Donc les résultats arrivent directement dans la classe, quoi. Et si c'est une image qui se... Bam, direct, qui arrive plein pot. Mais c'est violent, quoi. C'est-à-dire que c'est violent. Enfin, il faut mesurer à quel point c'est traumatique et à quel point c'est violent. Et qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour accepter ce genre de situation-là, quoi. Si la prof avait rassemblé ses élèves et leur avait délibérément montré un porno, ça aurait été un scandale, quoi. Ouais. Là, la technologie le fait, personne branche. Il n'y a pas eu une plainte, pas aucune réaction de parents d'élèves. Et donc c'était le témoignage de Jean-Philippe sur sa rentrée numérique. Et avant de poursuivre cette émission sur Radio Zinzine, eh bien une petite pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Zinzine. C'est l'émission Racine de moins 1 de critique des sciences, des technologies et de la société industrielle. Et on parlait de la rencontre écran total, rencontre pour libérer nos métiers de l'informatique et de la gestion. Il y aurait certainement encore beaucoup de choses à dire sur l'école numérique, mais on va se contenter de voir quelques solutions et quelques innovations que proposent ceux qui font la promotion de cette école numérique. Voilà, dans un article d'article 11 qu'on peut trouver en ligne sur le site d'article 11, cet article s'intitule « Les enfants monstrueux du numérique » à propos d'éducation immatérielle et de délire matérialiste. On a quelques échantillons de ce que nous réserve l'avenir. Et voilà, dans cet article, on peut lire quelques professeurs freinent du pied, certes, mais dans cette numérisation programmée de l'école, avons-nous vraiment besoin de professeurs? Ne pourrions-nous pas remplacer les enseignants par des machines? Eh bien, il y a des gens qui y songent tout à fait sérieusement. Et voilà, on a l'extrait d'un article de presse qui nous dit, je cite, « En juin 2010, l'université de Tokyo achète 30 robots Nao afin de les utiliser à des fins éducatives. » Une grande université américaine de renom au nord de New York City est dans la même démarche, encore confidentielle. Le programme coréen Red Learning prévoit d'introduire des robots dans 8000 écoles maternelles d'ici 2013. Les robots assistent les professeurs, par exemple en lisant des histoires aux enfants. Les parents peuvent également déjà interagir en se connectant aux robots à distance. Si les résultats sont convaincants, le programme pourra s'étendre aux écoles primaires. Voilà, le budget s'élève à plusieurs millions de dollars, 9 millions de dollars en 2011, 36 en 2012. Le Japon, la Corée et les États-Unis ayant identifié le potentiel des robots et des technologies issues de la robotique pour l'éducation, ils investissent de manière importante dans ce domaine. Les enjeux économiques et sociétaux s'annoncent colossaux. Il est temps pour la France de déployer tous ses moyens pour avancer dans ce domaine. Pendant que des élites font la promotion de ce genre de solutions technologiques à l'éducation des enfants, ces élites sont parfaitement conscientes que cette éducation numérique n'est en fait qu'une manière de capter l'attention des élèves, de les occuper, afin que ils ne soient pas tentés d'aller voir ailleurs si il y aurait quelque chose à faire de mieux. Quand il s'agit de leurs enfants, ces élites, par contre, se montrent beaucoup plus précautionneuses. Là, c'est un article du journal Le Monde, qui date de 2012 aussi. Voilà, je cite. Pas un ordinateur, pas une télé, pas le moindre petit ou grand écran à la Waldorf School of Peninsula. En revanche, on a trouvé un four à pain dans le jardin que les petites classes utilisent chaque semaine. Des chaussettes faites main, les cours de tricot pour les filles comme pour les garçons commencent en CP, des tableaux noirs et des craies de couleur. C'est école privée, environ 20 000 dollars de frais de scolarité annuels. École privée de la Silicon Valley recommande aux parents de limiter l'exposition aux écrans jusqu'à l'équivalent de la 6e et n'introduit l'outil informatique qu'en 4e. Un comble pour un établissement qui compte dans son voisinage Google, Apple et une pléiade de start-up hyper connectées. Surtout quand on sait que les trois quarts des parents d'élèves de cette école travaillent dans les nouvelles technologies. Donc voilà, c'est des gens qui sont parfaitement conscients de leurs intérêts et qui savent qu'ils travaillent parfaitement à la destruction de l'éducation. Donc voilà, on va terminer cette émission donc sur la rencontre écran total par une bibliographie. Donc là, je venais de citer des extraits d'un article publié sur article 11 qui date du 29 novembre 2012, « Les enfants monstrueux du numérique » à propos d'éducation immatérielle et de délire matérialiste. Et on peut citer aussi le livre écrit entre autres par Florent Gouget, « École, la servitude au programme », publié aux éditions La Lenteur en 2010. Florent Gouget aussi qui a fait une brochure qui complète cet ouvrage qui s'appelle « Contre l'école numérique », qui est disponible auprès de Radio Zinzine à prix libre, ça fait une quarantaine de pages je crois. Parmi les livres un peu plus généralistes sur cette question de l'informatisation des métiers, on peut citer « Le monde en pièces pour une critique de la gestion ». Ça c'est le groupe Oblomov qui a publié ça aux éditions La Lenteur en 2012. Il faut signaler d'ailleurs que ce livre contient un article qui s'appelle « Enseignant 2.0, producteur de données ». Il y a aussi le groupe Marcuse qui a publié en 2012 « La liberté dans le coma, essai sur l'identification électronique et les motifs de s'y opposer » aux éditions La Lenteur. Et enfin, ouvrage très général mais qui fait un tour assez intéressant des applications et des délires qu'il y a aussi autour du numérique. Cédric Biagini, « L'emprise numérique, comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies » aux éditions L'Échappée en 2012. Voilà, la prochaine émission de Racines de Moisins sera consacrée aussi à cette rencontre écran total, mais cette fois-ci, ce sera le témoignage des assistantes sociales qui sont maintenant quasiment obligées de ficher et d'enregistrer un nombre assez considérable de données sur les gens qu'ils reçoivent et assistent. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Proposé par Radio Zinzine.